Section 8, chapitre 8. Augustin aperçut Madame Manolé debout contre la porte à claire-voie en plein soleil. Elle regardait la route et semblait attendre quelqu'un. « Monsieur de Chanteprie, vous venez de Hautfort ?»« Oui, madame, je vais aux Roches. »« Vous n'avez pas rencontré un bicycliste en détresse ?»« Non, madame. »« C'est extraordinaire !» Elle se mit à rire d'un rire léger, sonore, enfantin. « Je vois Barral, égaré, fourbu, poussant sa machine et cherchant sa route. « Monsieur Barral est un ami, » expliqua-t-elle. « Je l'attends pour déjeuner, ou plutôt, je ne l'attends plus. « Il aura manqué le train. « C'est possible, mais puisque vous voilà, monsieur de Chanteprie, je veux vous faire visiter la maison, cette maison que vous aimiez tant. Vous verrez que je ne l'ai pas enlaidie. » La mère Testard ne cesse de dire « La Parisienne est comme le maître, elle aime l'ancien. » Elle ouvrit la barrière, Augustin entra dans la cour, nettoyé, sablé, fleuri. « Je suis en robe du matin, ne faites pas attention. À Paris, je n'oserais pas me montrer dans ce négligé, mais nous sommes de bons campagnards. » D'une main, elle relevait sa longue blouse en soie de Chine, couleur de maïs. Une blouse sans ceinture, ample et molle, dont les plis caressaient son corps nonchalant. Un chapeau de bergère, en paille rustique, couronné de coquelicots, s'abaissait un peu sur sa nuque, et les cheveux noirs étaient plus noirs sous la guirlande des fleurs pourpres. Le jeune homme, accoutumé aux robes étriquées, aux chapeaux surannés des dévotes, s'étonnait à voir ce costume chaste et hardi. Depuis que Madame Manolé habitait les Trois Tilleuls, il la rencontrait presque chaque jour dans la campagne. Elle peignait, assise sur un pliant, devant un petit chevalet, et le parasol fiché en terre traçait autour d'elle un cercle d'ombre. Attentive, elle levait et baissait ses grands cils sans remuer la tête, et sur le papier, ses doigts délicats, maniant les crayons colorés, laissaient une poussière plus fine que celle des papillons, une poussière qui devenait des frissons de ciel et des frissons de feuillage. Quand elle apercevait M. de Chanteprie, elle le saluait d'un sourire. Il osait s'approcher, quelquefois. Ils entrèrent dans la salle à manger, mi-obscure, très fraîche, meublée d'une table massive, d'une vieille huche et d'un bahut de noyer. La fenêtre avait des rideaux à carreaux rouges et blancs, et la tenture des murailles, d'un ton de brique, doux et chaud, s'accordait avec le bois brun des solives. « C'est charmant, » dit Augustin. « Il ne me manque plus que des cuivres et des faïences, ça et là. J'en trouverai chez les Martins, à Gariguières, m'a-t-on dit. J'aime ces vieilleries. » Mon père possédait une collection de faïences très belles, qu'on a dû vendre après sa mort. Quand j'étais petite, il m'emmenait avec lui dans des hameaux bretons et normands, et nous faisions des découvertes merveilleuses. Mon pauvre père, il était si gai, si vivant. Il ressemblait à sa peinture. Vous connaissez la fête galante qui est au Luxembourg ? Je ne suis jamais allée au Luxembourg, seulement au Louvre, une fois. Une fois ? Pas davantage. Qu'avez-vous donc fait depuis que vous êtes au monde ? Demanda-t-elle avec un accent de commisération qui fit sourire Augustin. Je devine votre pensée, madame. Mon ignorance vous paraît si invraisemblable que vous ne savez plus si je suis un monsieur ou un paysan. Si nous avions 100 ans de moins, je répondrais ni un paysan ni un monsieur, mais assurément un gentilhomme. Soit, dit Augustin, qui sentait toute la délicatesse de cette réponse. Un gentilhomme, campagnard, un peu plus lettré que Testard, mais guère plus civilisé. Elle l'écoutait avec tant de bonne grâce qu'il perdit soudain sa timidité et parla comme il eût parlé à un homme de son âge. Il raconta brièvement l'histoire de sa famille, son éducation, sa vie régulière et cachée. Madame Manolé ne souriait plus. « Je comprends, dit-elle, que vous soyez devenu ce que vous êtes, un catholique fervent. Mais combien vous ressemblez peu à tous les autres catholiques, à ceux du moins que j'ai rencontrés. » Et soudain, entraînée aux confidences, elle reprit. « Moi, j'ai été élevée par mon père, dans un monde d'artistes et de gens de lettres. On a remis beaucoup d'idées devant moi. » Des hommes célèbres m'ont tutoyé et tenu sur leurs genoux quand j'étais une gamine rêveuse et rieuse. Que de paradoxes bizarres, que de discours singuliers et profonds j'ai entendus quelquefois. Ah, les beaux jours de mon passé, les beaux espoirs, les beaux songes. Je revois mon père assis devant sa toile, dans ce costume qu'il aimait, la blouse rouge des paysans slaves. Ses cheveux gris frisaient tout droit sur son front. Ses yeux bleus flambaient. Sa voix forte ébranlait les vitres. « Cher père, quelle nature puissante, heureuse, oui, heureuse, faite pour recevoir le bonheur et le répandre. » « Vous l'avez perdu ?»« Trop tôt, j'avais 15 ans. Notre vieille amie, Madame Lassauguette, m'a prise chez elle et mariée à Pierre Manolé, un musicien. Depuis 4 ans, je suis veuve. » « Dieu vous a bien éprouvée, madame. » Elle soupira. « J'avais un petit enfant, lui aussi. » Ses paupières battaient. Monsieur de Chanteprie, ému, se reprochait de ne savoir rien dire. Fanny, veuve désolée, malheureuse, ne l'effrayait plus. Il aurait souhaité lui exprimer sa sympathie, mais une invincible pudeur lui ferma la bouche. Et il se trouva ridicule et sot. La jeune femme secoua la tête comme pour écarter un souvenir. « Dans ce monde où j'ai vécu et que vous ne connaissez pas, il y avait assurément quelques prétendus catholiques. Je songeais à eux, tout à l'heure, en vous écoutant, et je faisais la comparaison. Oui, il y avait des artistes qui se disaient mystiques. C'étaient des chevaliers du Graal, des âmes de cygne, des rose-croix. Mon père s'en amusait. Il y avait aussi des catholiques, par convenance, par tradition, qui vivaient en franc païen, je vous assure. Mon père les méprisait. » « Moi aussi, je les méprise, » dit Augustin. « Mais comment des gens qui ont la foi peuvent-ils vivre dans un pareil monde? Et s'ils n'ont pas la foi, pourquoi se disent-ils chrétiens? Croyez-vous que des gens du monde peuvent conserver intacte leur foi? C'est difficile, mais Dieu garde ceux qu'il a choisis. » Il pensait, « Et vous, madame, avez-vous la foi? » La terrible question brûlait ses lèvres. « Je m'étonne, » reprit-il, que l'évidence de la vérité n'éblouisse pas les âmes. J'entends les âmes sincères, qui cherchent leur voie en gémissant. Et je m'étonne plus encore que l'on puisse connaître la doctrine de l'Église sans l'admirer. L'admirer sans l'aimer. L'aimer sans la pratiquer. Il y a des âmes réfractaires. Il y a surtout des âmes obscures. Leur mal vient de leur ignorance. Un jour, par hasard, un mot tombe sur elles comme un rayon, comme un éclair. Elles s'illuminent, elles se reconnaissent. Assise dans un fauteuil de paille, le coude sur le genou et le menton sur la main, Fanny regardait dans le vide. Augustin crut qu'elle allait répondre, qu'elle allait prononcer la parole révélatrice. Pourquoi l'attendait-il, cette parole, avec une angoisse inconnue? Il avait oublié l'occasion futile de sa visite, le début de la conversation, et sa timidité farouche et ses méfiances. Comment étaient-ils venus à parler de Dieu? Augustin ne savait plus. Ce nom prononcé les obligeait tous deux à révéler le profond secret de leurs âmes. Car il n'y avait plus que deux âmes en présence. Deux âmes ennemies ou fraternelles. Non, Fanny Manolé ne pouvait être irrémédiablement une ennemie. Elle avait souffert, elle avait aimé et pleuré. Elle était par instinct chrétienne. Augustin n'en voulait pas douter. Lourdement, gravement, le coucou sonna l'heure. Midi. Augustin s'excusa. « Je suis attendu à déjeuner chez monsieur le curé de Rouvrenoir, » dit-il. « Vous me pardonnerez, madame, de vous avoir retenu si longtemps. » Il se levait, redevenu cérémonieux. Le grelot d'une bicyclette résonna dans la cour, et un homme parut, retenant la machine dont les nickels brillaient au soleil. Fanny s'écria, « Vous, Barral, d'où sortez-vous? Je ne vous attendais plus. » Le cycliste répondit, « Cher ami, je suis à vos pieds. Mais de grâce, faites-moi donner un verre de bière. Je suis fourbu. » Fanny présenta les deux hommes. « Monsieur de Chanteprie, monsieur Georges Barral. Ah, Georges, que vous êtes insupportable. Vous me gronderez tout à l'heure, quand j'aurai moins soif. » Augustin examinait le nouveau venu. Il était beau, d'une beauté d'athlète, sans le charme conventionnel qu'on appelle distinction. Les muscles de ses jambes tendaient le tricot noir des bas à côtes. Ses pieds, chaussés de cuir jaune, pesaient fortement à chaque pas. Sous le veston ouvert et la chemise lâche, on devinait l'ampleur du torse, le relief des pectoraux. Le cou hâlé, la bouche grande, les dents saines, la barbe brune taillée carrément, le nez aux fortes narines, exprimait une sorte de puissance animale et de sensualité joyeuse. Les cheveux, très épais, très courts, découvrait un front large, aux lignes nobles, un front énergique et intelligent. Il y avait de la malice, sans méchanceté, dans le regard des yeux gris limpides. Après un bref salut, Augustin s'éloigna, emportant dans sa mémoire la double image de Barral et de Fanny Manolé, debout côte à côte. Pendant qu'il cheminait vers Rouvrenoir, Barral demandait « Quel est ce jeune homme ?»« C'est le fils de l'ancienne propriétaire, la dame mystérieuse dont ma tante vous a parlé. »« Vous le voyez souvent ?»« Non, il est assez timide, et je crois que les femmes lui font peur. C'est par hasard qu'il est entré aujourd'hui. » « Pauvre diable !»« Vous le plaignez ? S'il est venu, il reviendra. Je vous connais, Fanny, terrible enjôleuse. »« Hein ? Vous êtes fou, Barral ? » ?»« Vous vous ennuyez déjà, Fanny. Ça vous amuse d'ensorceler ce hobereau de village ?»« Hobereau de village ? Soyez poli, mon cher. Vous ne savez pas de qui vous parlez. »« Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur de Chanteprie ?»« Il lit Saint-Augustin. »« Pas possible. Je vous assure. Oh, madame !» Vous choisissez bien mal vos galants. Et vous, Georges, vous choisissez bien mal vos plaisanteries. Je connais à peine ce jeune homme. Allons, venez. » Barral appuya sa bicyclette au tronc d'un tilleul et suivit la jeune femme. Quand ils eurent achevé le tour du propriétaire, Fanny pria son hôte de l'attendre sous le châtaignier, où elle avait placé une petite table et des chaises rustiques. La femme de service qui vient 2 heures par jour a préparé le déjeuner sous ma direction, mais il faut que j'y mette la main, dit-elle. Permettez-moi de ceindre un tablier. Fanny, je suis confus. Pourquoi votre servante ne reste-t-elle pas toute la journée? Parce que ce sont des affaires domestiques sans intérêt, un peu ridicules, et qui ne vous regardent pas. Voici des livres, des journaux. Prenez patience. Seule, dans l'étroite clairière, à l'ombre du grand châtaignier, Barral ne toucha point aux journaux. Il rêvait. Georges Barral avait 35 ans. Il était assez riche pour que le travail lui fût un plaisir. Ça et là, il écrivait d'ironiques et jolies chroniquettes dont il ne tirait point vanité. L'art d'écrire l'intéressait moins que l'art de vivre. Barral savait vivre. Il pratiquait ce qu'il appelait l'égoïsme supérieur. Aucune des humbles joies que les prétendus délicats affectent de mépriser, ne lui paraissait négligeable. Il vantait, avec une égale éloquence, la bonne chère, les belles femmes et les beaux livres. Il voyait, en beauté, les choses les plus vulgaires de l'existence, et savourait précieusement les 1000 petites voluptés quotidiennes qui composaient son bonheur. Les sots le disaient matérialiste. Barral connaissait l'essence baroque de cette épithète. Il s'en amusait infiniment. On prétendait aussi qu'il vivait dans la débauche, ayant abandonné femme et enfant, et cette légende, colportée partout, avait ému Fanny Manolé elle-même. Barral, pour rassurer son ami, avait dû lui confier la vérité. Très jeune, il avait épousé une très jeune fille, élevée en province, et dévote jusqu'au fanatisme, le type idéal de loi blanche. Ils s'étaient séparés de leur plein gré. Madame Barral, heureuse de recouvrer sa liberté sans discussion, sans formalité judiciaire, était retournée avec sa fille dans sa petite ville et dépensait charitablement la pension que lui faisait son mari. 3 ou 4 fois par an, Georges allait voir sa femme en camarade. Elle le recevait fort bien. Dans les intervalles de ses visites, ils s'écrivaient régulièrement. Et l'épouse faisait des neuvaines pour la conversion du païen. Ni l'un ni l'autre n'avait songé au divorce. Elle, par scrupule, lui, par indifférence. Divorcer ? À quoi bon ? Georges n'avait pas l'intention de se remarier. Il ne désespérait pas de rencontrer une femme intelligente et libre, sans préjugés, qui consentît à devenir son amie et sa maîtresse, pourvu qu'elle ne l'obligeât point à mettre des juges dans ses affaires et à passer une seconde fois devant le monsieur ceinturé de tricolore. Georges saurait bien lui faire un bonheur exquis et solide, un chef-d'œuvre de bonheur. Mais il fallait trouver la femme. Barral rêvait à ces choses. Fanny parut, les manches retroussées jusqu'au coude, portant une pile d'assiettes qu'elle disposa sur la petite table. En 5 minutes, le couvert fut prêt. « Vous avez faim, mon pauvre Georges, » dit Fanny. « Je n'ai pas un copieux déjeuner à vous offrir. Voyez, j'ai tout mis sur la nappe. La femme de ménage est partie, nous ferons notre service nous-mêmes. » « Mais comment n'avez-vous pas de servante ?»« Je n'en ai pas pour le moment. »« Oh, si j'avais su, je me suis invité bien étourdiment. Pardonnez-moi. » Ne vous excusez point, je suis charmé de vous voir. Mon ami, la peinture se vend mal. Je n'ai pas de génie et pas de chance. Voilà pourquoi ma tante, la Sauguette, a voulu me réserver un toit pour abriter ma tête pendant les mauvais jours. Un toit inaliénable, insaisissable, un toit qui défie les créanciers. » Elle riait. Ils s'assirent face à face et Barral s'écria. « Que j'aime votre belle humeur et votre vaillance. Mais je suis peinée, oui peinée, de vous voir réduite à ce métier de ménagère, vous, une femme délicate, une artiste. Évidemment, je préférerais commander mon dîner à un maître d'hôtel. Si vous croyez que ça m'amuse, le ménage, mais j'en ai vu bien d'autres, avec mon mari. » Il avait les dents longues, Pierre Manolé. Certes, il n'a pas mis 3 ans à manger ma petite dot. C'est vrai qu'il ne la mangeait pas tout seul. On l'aidait. Je me demande comment vous avez pu lui pardonner quand il est revenu, après son aventure. » Elle murmura. « Il était irresponsable, vous le savez bien. Il était fils d'alcoolique. Il avait visité de bonne heure tous les paradis, naturels et artificiels. Il avait de l'esprit sans raison, du génie sans talent, de la sensibilité sans bonté. Parfois naïf et câlin, comme un enfant, il devenait tout d'un coup sombre, inquiet, taciturne. Il avait d'abominables fantaisies. Vous ne pouvez pas savoir, Barral. » « Je sais. » « Non, personne au monde. Mais pourquoi parler de ce malheureux? Je ne pouvais plus l'aimer, mais je ne pouvais oublier que je l'avais aimé. » « Vous êtes bonne. » « On le dit, tant mieux, mais on dit aussi du mal de moi. » « Et que dit-on ? » « Des infamies. Je suis seule. Je n'ai ni mari, ni père, ni frère pour me défendre. Alors les méchants ne se gênent pas. On raconte, par exemple, que je suis une femme d'amour. » Barral les connaissait, ces infamies, qui étaient surtout des sottises. Il avait rencontré Fanny 3 ans plus tôt, chez Madame Lassauguette. Et avant d'entrer dans l'intimité de la jeune femme, il avait entendu des gens, et quels gens, porter sur elle les jugements les plus divers. Personne n'ignorait l'histoire de Madame Manolé, fille naturelle de Jean Corvis et d'un modèle italien, mariée à un compositeur presque fou, qui l'avait ruiné, abandonné, et qui était revenu mourir dans ses bras. Des amis et des camarades vantaient la bonté, le courage, la générosité de cette jeune femme. Ils vantaient même sa beauté et son talent. Et cet éloge, souvent maladroit, provoquait les dénigrements systématiques des imbéciles, qui étaient surtout des envieux et des envieuses. Fanny Manolé avait du talent. Dame, elle avait été à bonne école, élevée au milieu des rapins et des modèles. N'avait-elle pas elle-même posé demi-nue, et peut-être toute nue, devant son père, qui l'aimait un peu, beaucoup, passionnément? Elle était jolie. N'était-ce pas fort heureux pour elle, qui, sans fortune, avait grand besoin de sympathies actives? Elle était bonne et dévouée, assurément. Elle savait s'attacher les hommes. Et pour conclure, ne pouvait-on la définir, la qualifier d'un seul mot qui contenait tous les griefs, toutes les critiques, tous les insultants hommages? C'était une femme d'amour. Ce mot, Barral l'avait entendu 100 fois. Il se le répétait dans sa pensée comme le plus rare, le plus délicieux éloge qu'on pût faire d'une femme. Que lui importaient les racontars? Il ne voulait pas savoir si depuis son veuvage, et même pendant son mariage, Fanny était restée vertueuse. Il n'attachait pas à ce détail plus d'importance qu'il ne fallait. Fanny était maîtresse d'elle-même, en attendant qu'elle devînt sa maîtresse, à lui, Barral. Et pourquoi pas? N'était-il pas merveilleusement assorti, créé l'un pour l'autre, ayant l'un et l'autre assez souffert du mariage, pour comprendre le charme de l'amour libre, pour mépriser les sanctions? Non, Barral n'aimait pas Fanny romantiquement, ni romanesquement. Il n'était pas un collégien sentimental. Il ne versait pas des torrents de larmes en pensant à elle. Il ne lui dédiait pas des sonnets. Il était tout à fait incapable d'aller lui chercher des fleurs à la cime du Mont-Blanc. Et même si Fanny ne voulait pas l'aimer, si elle aimait un autre homme, Barral était presque sûr de ne pas mourir de désespoir. Mais il estimait la probité de son caractère. Il chérissait sa vive et souple intelligence comme une source de rares et durables plaisirs. Il désirait son corps, ce corps svelte, vigoureux et souple, qu'il devinait si beau dans la volupté. Sympathie intellectuelle, échange de sentiments délicats et de sensations délicieuses. C'est ça l'amour, pensait Barral. Ça n'a rien de sublime, mais c'est très doux et c'est très amusant. pourquoi ne peut-on faire accepter aux femmes cette simple définition d'une chose très simple ? Il leur faut du drame, de l'élégie, des festons et des astragales. C'est puéril. Il n'y en a pas une. Une seule qui veuille bien descendre de l'Empyrée. Pas une. Et je ne suis pas certain que Fanny... Il se prit à rire, tout haut, en secouant la tête. Fanny s'étonna. Qu'avez-vous ? Je pense, dit-il, que les mêmes imbéciles nous associent dans la même réprobation. Et cela m'enchante. Vous êtes une femme d'amour. Je suis un père dénaturé, un mari cruel, un libertin. La méchanceté des sots et la sottise des méchants nous rapprochent. Mais dites-moi, cher ami, là, franchement, pourquoi êtes-vous si fâché d'être appelée une femme d'amour ? Question ridicule ! Pas tant que cela, réfléchissez. Une femme d'amour, c'est une fille. Mais non, c'est simplement une femme qui aime l'amour, une femme qui est faite pour l'amour. Et soit dit sans vous offenser, ma chère, vous représentez exactement ce type de femme, au physique et au moral. Fanny devint pourpre. Est-ce un compliment ou une impertinence, Barral ? Ni l'un ni l'autre, mon ami, c'est une constatation, et dans mon esprit, c'est une louange. Vous êtes un être d'amour, vous respirez l'amour, et vous l'inspirez. Ne vous étonnez donc pas qu'on cherche autour de vous l'objet de cet amour, réel ou imaginaire. Moi-même, qui suis votre meilleur, votre plus fidèle ami, je me suis quelquefois demandé comment vous supportiez votre solitude, anormale et cruelle, oui, cruelle, et j'ai pensé que j'aimais quelqu'un. Oui. Elle pencha la tête, et il ne vit plus que ses doigts posés sur ses tempes et la masse de ses cheveux noirs. Vous ne voulez pas me répondre ? Que sais-je ? Il eut un vif battement de cœur, et par-dessus la table, il voulut saisir les mains de Fanny, les écarter, dévoiler son visage. Passionnément, il désira la conquérir, dénouer ses cheveux, connaître le goût de ses lèvres, la douceur de sa chair. Et la chaleur de l'étreinte qu'il rêvait lui montait au cerveau. Il fut ivre. Mais Fanny se leva brusquement. « Assez de bavardage, » dit-elle. « Le temps passe. Voulez-vous que nous fassions une promenade à bicyclette ? Je vais m'habiller. » Déconcerté, il répondit « Oui, madame. » Elle rentra dans la maison. Barral jura. « Maladroit que je suis, je l'ai blessée. Elle n'a pas su me comprendre. » Il était venu avec cette arrière-pensée obscure de lui parler, de l'interroger, de risquer la suprême épreuve. Mais c'était difficile. Comment lui dire tout net « Ma chère amie, je suis riche et vous êtes pauvre. Je voyage pour mon plaisir et vous devez gagner votre vie. C'est injuste. C'est révoltant. Et comme je vous aime, à ma façon, comme je vous désire, je vous offre la sécurité, le bien-être, un peu de luxe, et ma très sincère affection pour vous consoler du mépris des imbéciles. Mais je ne puis vous épouser. » Barral s'apercevait, à ce moment, que Fanny pouvait considérer cette déclaration comme un outrage. Si libre de préjugés qu'elle fût, elle ne renoncerait pas aisément à la considération du monde. De ce monde qui ne distingue pas l'amoureuse libre de la fille entretenue. Il faut patienter. Il faut la préparer, la persuader, lui suggérer les choses par allusion. Mais zut, ce n'est pas dans mon caractère. Elle revenait, charmante, avec sa courte jupe noire, ses bas de soie noirs, ses souliers plats, sa chemisette de mousseline blanche et son grand canotier blanc. Ce n'était plus Fanny Manolé, c'était un être indécis, d'une grâce plus jeune et plus irritante. Barral déclara « Vous avez 14 ans et demi. »« Merci, mon oncle, » dit-elle en riant. Sur la route du chêne pourpre, ils partirent côte à côte, penchés sur le guidon, dans la caresse de l'air et le bourdonnement des quatre roues qui fuyaient en bruissant comme des abeilles. D'un même mouvement rythmique, leurs pieds pressaient les pédales, et ils allaient toujours plus légers, toujours plus rapide. Autour d'eux, c'était la plaine, seigle bleuâtre, avoines argentées, et les blés, qui bientôt allaient jaunir, et plus loin, un espace de lande, tout en bruyère, et plus loin encore, le cercle compact et sombre, la forêt. Le soleil était haut dans le ciel. Les aciers des machines lançaient de longs éclairs, et le couple filait, sans effort, en silence. Ils descendirent l'allée en pente qui s'enfonce dans la forêt. Ils virent fuir à leur gauche les terrains réservés aux chasses, les garennes où s'ébattaient des lapins. Et à leur droite, la façade prétentieuse d'un château Louis XVI, trop neuf, les arbres des boulingrins, les pièces d'eau, les faisanderies. Il remontait en plaine, glissait sur la route à travers champs, laissait derrière eux les derniers chaumes d'un village. Et c'était encore la forêt. « Reposons-nous !» cria Fanny. Elle sauta lestement, Barra la rejoignit, et guidant leur machine, ils pénétrèrent sous bois. Ils étaient dans une avenue forestière très droite, si longue qu'ils n'en voyaient pas la fin. Des chênes, aux racines énormes, tordues, tenaces comme des griffes, élevaient une frondaison vigoureuse, d'un vert solide. Il y avait des hêtres jumeaux aux troncs lisses, qui semblaient des amadriades embrassées. Et, de distance en distance, dans l'enchevêtrement du taillis, des bouleaux gouachés de blanc qui échevelaient leur feuillage pâle. Une odeur forte, une odeur mouillée, montait des fonds de fougère. Et sur le bord des talus, la mousse spongieuse, plus foncée que l'olive, plus éclatante que l'émeraude, était semée de champignons. Georges et Fanny s'assirent sur le piédestal bosselé que formaient les racines d'un chêne. Devant eux, les bicyclettes renversées avaient un air disloqué, piteux, de choses mortes. Barral prit la main de la jeune femme. « Écoutez-moi bien, cher ami, et ne répondez qu'après m'avoir bien compris. J'ai un conseil à vous demander, un conseil que je veux très clair, très sincère, parce que je le suivrai résolument. « Georges !»« Écoutez-moi, reprit-il, c'est très simple. Vous connaissez ma situation, Fanny. Je suis marié. J'ai promis à ma femme de ne jamais divorcer. Cela me serait légalement impossible. Du reste, je n'y tiens pas le moins du monde. Je me sens libre. Je suis libre. Ne le croyez-vous pas ? Dites, Fanny. Je le crois. Eh bien, ma chère Fanny, me voici donc, libre, à 35 ans, assez jeune pour jouir longuement de ma liberté, assez mûre pour l'estimer à son prix, assez sage pour n'en point abuser. Je me suis arrangé à peu de frais, sans léser ni gêner personne, l'existence la plus agréable et la mieux remplie. Je travaille, non par nécessité, non pas même par vanité, mais par plaisir. S'il me plaît de voyager, je boucle ma valise et je pars. S'il me convient de vivre quelque temps solitaire, je ferme ma porte aux indiscrets. Si j'ai besoin de dépenser ma force, je quitte mes bouquins et me voilà redevenue la brute heureuse des âges primitifs. Chasseur, pêcheur, nageur, passionné pour les voluptés violentes de tous les sports. Ayant un bon estomac, j'ai un bon caractère. Ayant un bon caractère, je suis optimiste, indulgent. J'ai des amis, et je serais le plus fortuné des hommes si... Si quoi ? Si je trouvais une femme, une vraie femme, une femme à moi, comprenez-vous ? Ce n'est pas difficile à trouver, Barral, il y a tant de femmes. Ma pauvre amie, si vous saviez, tant de femmes, pas une sur 100, pas une sur 1000. Il n'y a rien de plus rare qu'une vraie femme, ma chère Fanny. D'un côté, les régulières, l'armée des régulières, épouses, fiancées, mères et sœurs. De l'autre côté, les révoltées, les réfractaires et les commerçantes de l'amour. Ma situation m'interdit l'approche des régulières. Les jeunes filles m'ennuient, et, quant aux femmes mariées, elles ressemblent plus ou moins à ma propre femme, et cela suffit à m'en dégoûter. Donc, ne parlons pas des régulières. Que reste-t-il ? Les autres, les commerçantes. Ma foi, il y a de bonnes filles dont je reconnais les mérites. Elles peuvent me donner ce que je leur demande, mais je ne leur demande que ce qu'elles peuvent donner, pas grand-chose. Et franchement, ça ne me suffit pas, car si je ne suis pas un sentimental, je ne suis pas davantage. La brute des âges primitifs ? Je suis un homme, Fanny, et je cherche une femme, non pas une anémique et prétentieuse marionnette que je casserai en la touchant, non pas un inconscient animal de volupté, une femme, un être jeune, beau, robuste, avec du sang au cœur et aux lèvres, qui n'aurait pas peur de mon désir, qui se donnerait joyeusement sans grimace, un être intelligent, raffiné, caressant, un peu mystérieux toujours, et cependant simple et sincère. « Vous n'êtes pas difficile, » dit Fanny, troublée par le regard de Barral, un regard appuyé, insistant, plus éloquent qu'une parole et plus hardi qu'une caresse. « Cette femme, elle existe, Fanny !»« Vraiment ? est-elle une régulière, comme vous dites, ou une commerçante, ou une réfractaire ? Si elle consent à m'aimer, elle passera dans le clan des réfractaires. Et c'est ici que je vous attends, madame. Cette femme dont j'admire l'esprit, la grâce, l'énergie, cette femme qui réalise exactement mon idéal de maîtresse amie, je ne peux pas l'épouser. Je partagerai tout avec elle. Je lui ferai une vie heureuse et sûre. Je la chérirai, je la protégerai, je la défendrai contre le mépris du monde. Mais il faudrait qu'elle consentît à mépriser ce mépris, à rompre avec les sots préjugés, les sottes pudeurs, les sots respects, et qu'elle fût bravement, gaiement, devant tous, ma maîtresse. Fanny retira sa main. Elle s'isolait dans sa pensée impénétrable, tout son visage durci, presque hostile. Barral ôta son chapeau, essuya son front où perlait la sueur, et Fanny, se tournant vers lui brusquement, leurs regards se défièrent. Madame Manolé se leva, redressa sa bicyclette, et droite, appuyée au guidon, dominant Barral, elle répondit « Mon cher, quand on aime une femme, on brise tout, on l'épouse. » Georges pâlit. « C'est impossible, quelquefois, et c'est toujours inutile. Et d'ailleurs, je vous répondrai à mon tour, quand on aime un homme, on le suit, on se donne, sans condition, sans marché. » Elle répéta, ironiquement, « Quand on l'aime. » « Fanny !»« Eh bien, qu'il se fasse aimer, s'il peut » cria-t-elle. Son rire nerveux retentit, fouettant Barral d'une provocation, et, sautant sur sa bicyclette, elle s'élança, disparut. Dans la nef verdoyante, si longue, sous l'arceau des feuillages criblant le soleil, tour à tour dans l'ombre et dans la lumière, la femme fuyait, hirondelle noire, au corsage blanc. Elle fuyait, allégée, impondérable, fendant l'air qui glissait en un frais courant sur sa face obstinée, sur sa gorge gonflée, sur ses jambes rapides. Un grand fleuve fluide la baignait, la soulevait tout entière, et sans savoir où ni comment, elle fuyait, poussée par l'instinct obscur, par l'atavique peur de l'homme, avec le délice et l'orgueil et l'effroi d'être poursuivie. Et derrière elle, il accourait, d'abord surpris, puis irrité, puis charmé, il s'enivrait maintenant de cette course à l'amour qui réveillait en lui l'instinct sauvage. Le jeu de ses muscles, le rythme égal de son souffle, la chaleur du sang à ses tempes, lui furent un plaisir physique qui dilata son cœur mâle. Sûr de la victoire, il éprouva la plénitude de sa force, pressant les pédales à coups réguliers, sans hâte. Mais Fanny, très loin, le sentait venir. Elle entendit le grelot sonore tintant au ressaut de la roue et, décuplant la vitesse, elle se précipita. Barral eut une sourde exclamation. Il cessa de se contempler dans son rôle d'anthropoïde poursuivant la brune femelle à travers la forêt des premiers âges. Toute pensée s'abolit. Il sentit naître en lui une âme inconnue, une âme féroce de faucon. Éperdument, il souhaita la belle proie. Avec un rauque soupir, les dents serrées, les veines enflées, il fila comme une flèche, il descendit l'allée vertigineuse, et soudain le sol s'abaissa. Un poteau indiquait la côte dangereuse, n'importe. Sur la pente, vers l'abîme possible, la femme et l'homme, l'hirondelle et le faucon, passèrent, apparus, disparus, fantastiques. Un paysan qui ramassait du bois resta les bras écartés, la bouche ouverte par un cri qu'on n'entendit pas. Les maisons d'un hameau se levèrent dans la profondeur d'un cirque sombre, des volailles effarées s'enfuirent, des enfants pleurèrent. Puis, ce fut la solitude, l'âpre odeur résineuse, la colonnade rougeâtre des pins. Et peu à peu, la femme s'épuisa. La distance diminuait, diminuait encore. L'homme arrivait comme un éclair. Fanny le sentit plus près, tout près. Le grelot sonna, les roues vibrèrent. Sur l'épaule de la femme, une main rapace s'abattit. Les deux bicyclettes emportées roulèrent côte à côte, ralenties. Barral sauta. Elle était à bout de force. Elle descendit, confuse, avec un air de soumission et de défi. Georges appuya les machines au tronc des pins. Il souriait. « Venez ici, reposez-vous. »« Non. »« Je le veux, par droit de conquête. » Il prit le bras de Fanny, la fit asseoir sur le talus, dans la bruyère. Ils demeurèrent un instant silencieux. La jeune femme, haletante, les jarrets brisés, regardait fixement devant elle la grande houle bleuâtre de la forêt, le fond d'outre-mer où se détachaient les fûts réguliers des pins, leurs fourches orangées par le soleil, leurs parasols d'un vert intense. Des pivers criaient, en frappant le bois, à petits chocs. Une faisane partit d'un vol pesant, froissant les broussailles. Dans le ciel tendre, l'ouate argentée des nuages s'effilochait. Le bras de Georges soutenait la taille de Fanny. Elle s'abandonnait un peu contre l'épaule puissante. Lasse, la bouche frémissante et les yeux révoltés, elle goûtait pourtant l'étrange douceur de sa défaite. Hostile encore, elle ne songeait plus à fuir. Elle examinait Barral avec ce regard de côté qu'ont les femmes, ce regard qui glisse entre les cils, se dérobe, indifférent, et revient, insaisissable. Elle comprenait. Elle avait toujours compris que Georges la désirait, mais elle le savait incapable d'aimer, d'aimer comme elle pouvait aimer, elle, et comme elle voulait qu'on l'aimât. Il avait tant dit qu'il était égoïste, matériel, brutal. Elle avait fini par le croire, n'ayant pas dépassé l'âge où l'illusion sentimentale, le mensonge romanesque, sont la condition nécessaire de l'amour. L'expérience lamentable du mariage ne l'avait pas éclairée. Elle était si jeune encore, à 26 ans. Ce n'étaient pas les préjugés ni la peur du monde qui retenaient son cœur. C'était plutôt un sentiment de déception, une involontaire rancune contre cet homme qui ne pouvait pas, qui ne voulait pas prendre l'attitude conventionnelle de l'amant. Il était trop calme aussi, trop fier de sa force, trop heureux. Il n'avait pas besoin d'elle. Fanny rêvait d'un ami plus doux, tendre, triste, qu'elle eût consolé d'un grand chagrin, réconcilié avec la vie, et qu'il eût adoré infiniment. Pour cet amant qui viendrait, tout différent du mari capricieux et dur, des camarades flirteurs sans vraie tendresse, Fanny, jalouse, se gardait. Pourquoi Georges s'interposait-il entre eux? Il était, lui, Barral, l'amour tout simple, l'amour dépouillé de ce qu'il appelait plaisamment les festons et les astragales, l'amour qui ne flatte pas l'imagination, mais qui s'impose comme une force de la nature et qui trouble. À son insu, Fanny subissait cette force. Elle bravait le désir de Georges avec colère et volupté. Mais elle défendait son âme, résolue à ne point aimer Georges, à n'aimer que l'autre, celui qui la prendrait tout entière, en se donnant tout entier. La répugnance que Barral témoignait pour un divorce, pour un second mariage, fortifiait la rancune de Fanny. Elle se moquait bien du mariage, en vérité, mais elle haïssait les réserves, les réticences. Elle trouvait Barral insolent, indélicat, cyniquement égoïste. Et cependant, elle tremblait près de lui, sur la bruyère, les nerfs détendus, les yeux amollis, la paume des mains brûlantes. « Allons-nous-en. Où ? Au Chêne Pourpre. Je vous quitterai donc au carrefour. Je dois prendre le train de 6 heures. » « Bien. » Ils se levèrent très calmes, très polis, redevenus un monsieur et une dame. « Nous partons ? » ?»« Oui. » Elle allait vers les bicyclettes, ajustant l'épingle de son chapeau, les bras en l'air. Soudain, Barral l'étreignit, l'enveloppa, froissant la chemisette de mousseline, cherchant la bouche, qui se refusait. Elle fit un « ah » d'indignation. Le baiser glissa sur les cheveux, suivant la rondeur de la joue, rencontra les lèvres fermées, serrées obstinément. « Je vous aime, vous m'aimerez, je veux que vous m'aimiez !» Il répétait « je veux » avec une obstination enfantine dont Fanny devait bien rire le lendemain. Mais, furieuse de cette violence, elle ne riait pas. Elle luttait, petite hirondelle noire et blanche, prise au cerf du faucon. Laissez-moi, vous m'offensez !» Il obéit. Sur sa gorge meurtrie par des caresses brusques, elle arrangea sa chemisette. La cravate de dentelle, tout arrachée, pendait lamentablement. Barral vit le désastre. Ce détail le terrifia. Il se trouva stupide et grossier. « Je suis une brute, Fanny. Je vous demande pardon. Je suis désolée, Fanny. Je ne recommencerai plus, plus jamais. » Il était penaud, si navré, que la jeune femme se mit à rire. « Vous avez l'air d'un gosse qui a déchiré la robe de sa maman. Vous êtes si ridicule que ça me désarme. Mais n'y revenez plus. » Ils repartirent, à une allure modérée, sur le même rang. Ils traversèrent le village, remontèrent la côte, l'avenue, et se retrouvèrent à l'entrée de la forêt, sur le plateau. Barral murmura. « Fanny, vous n'êtes pas fâchée ? Je vous ai pardonné, je suis généreuse. » « Et vous avez compris ?» Elle hocha la tête. Il y avait longtemps qu'elle comprenait. « Alors ?»« Alors, je ne sais pas. Je ne puis rien dire encore. Il me faut du temps pour réfléchir, m'interroger. Je pars la semaine prochaine pour l'Allemagne. Je vais avec un ami visiter les châteaux du roi de Bavière. Un beau voyage. Que nous ferons ensemble, un jour, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit rien. « Nous nous écrirons, Fanny ?»« Sans doute. Bon voyage et adieu, mon cher, car voici votre chemin. »« Adieu, cher, cher ami. » Il lui tendit la main en passant. Elle tendit la sienne. Ce fut une étreinte rapide. Barral s'éloignait vers Hautfort. Et Fanny, le regardant fuir, soupira, toute songeuse. Fin de la section 8.